Join me on RIG. RIG. Oh, la marché, c'est 20 de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et là, je sais que déjà sur Facebook, Rook a écrit on air et ensuite, donc à l'antenne pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et également, il a dû trouver une photo où il y a marqué numéro 360 parce que c'est la saga numéro 360 ce soir sur RIG jusqu'à 22h. L'album de la semaine, c'est l'album Somewhere in England, sorti par George Harrison en 1981. On écoutera le fameux All Those Years Ago qui a propulsé l'album en hommage un peu plus de 6 mois après la mort de John Lennon à John Lennon avec Paul McCartney et Ringo Starr dans les chœurs, enfin qui participent au morceau. Il y aura également Blood from a Clone, il y aura Life Itself, le fameux titre que j'adore, la reprise Baltimore Oriole. Il y aura également Unconsciousness Rules et Teardrops en fin d'émission. Il y aura également je dis beaucoup d'également. Si vous voulez, vous pouvez dire en même temps, mais on est obligé de les passer les uns après les autres. Bref, du Ringo Starr, du McCartney, du Lennon et des Beatles. Pour Ringo Starr, par exemple, It Don't Come Easy, là je l'ai tiré sur le Best of Blast From Your Past, mais là, le morceau date de 1970. Il y aura également, décidément, Too Many People sur Ram en 71, puis Gimme Some Truth de John Lennon sur Imagine en 71 aussi. Et pour les Beatles, ce sera Babies in Black. Pour le reste, eh bien, vous verrez en cours d'émission, je vous réserve la surprise, 31 chansons de programmées. On espère aller jusqu'au bout sans problème, sinon peut-être une ou deux passeront à la trappe, histoire de ne pas être en retard, parce que ce soir, tiens, j'en profite, il y a quelque chose de particulier dans l'émission suivante, l'émission de mon ami Eric. Il reçoit aujourd'hui un auteur, et pas n'importe qui, il reçoit le Frédéric Quino Nero, l'auteur de 4 bibles sur Johnny Hallyday, et on parlera sans doute de Johnny Immortel puisque c'est ce qui est en affiche sur sa page Facebook de Eric Gallo. Donc soyez là ce soir à partir de 22h, je vous promets d'essayer d'être à l'heure parce que ça, il ne faut pas manquer un auteur en présent dans l'émission, ça vaut quand même le coup. Rejoignez-nous donc sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et voici le premier titre, All Those Years Ago, McCartney, Ringo Starr, George Harrison en hommage à John Lennon. Bonne soirée à vous tous et toutes. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear. All those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. Mankind, and you were the one they backed up to. souvent éreinté par la critique commerciale, cet album, sorti en juin 1981, fut en revanche une honnête réussite, atteignant même la seconde place des charts aux États-Unis. L'album était, il est vrai, porté par le hit All Those Years Ago, que je me souviens avoir entendu aux États-Unis sur de nombreuses radios à l'époque. Un vibrant hommage rendu à la mémoire de John Lennon, disparu 6 mois auparavant, auquel McCartney et Starr avaient apporté leur contribution. On peut donc supposer que George Harrison a ici bénéficié d'un retour d'affection du public, engendré par l'émotion liée à la mort de John et le regain de nostalgie pour l'épopée bénie des Beatles. Somewhere in England est aussi l'album qui incita rapidement le guitariste à solder ses obligations contractuelles avant de se retirer de la scène musicale durant 5 ans. Il fut en effet vivement contrarié par l'interventionnisme des cadres de la Warner, le distributeur, qui ont exigé de lui qu'il retourne en studio pour enregistrer 4 nouveaux titres, jugeant l'album pas suffisamment commercial à leur goût. Le succès de All Those Years Ago, issu de ces nouvelles sessions, leur a au moins donné raison sur un strict plan commercial, mais pas nécessairement sur le plan artistique, ce qui révélera plus tard l'écoute des titres qui ont été sacrifiés sur l'autel du business. De très bons titres entre nous. Harrison les publiera entre autres sur les disques accompagnant ses 2 ouvrages, Songs by George Harrison Volume 1 and 2, qui est sorti il y a plusieurs années. Malgré tout, je les ai pas ces albums-là, si on peut les trouver à un prix raisonnable, ça m'intéresserait. Sans entrer dans le détail de ce que ce disque aura perdu ou gagné, cet album est quand même de bonne facture. Il y a des mélodies heureuses et plutôt habilement arrangées et profite d'un juste équilibre entre les ballades fragiles, Life Itself, Writings on the Wall, et les titres au rythme plus enlevé, Teardrops, Blood from a Clone. Voilà ce qu'on va dire pour l'instant sur ce premier album, ce premier titre et la suite. Eh bien, c'est Ringo Starr avec It Don't Come Easy sur RIG. Don't me semble qu'en début d'émission, j'ai dit que c'était sorti en 1970. C'est faux. C'est sorti en avril 1971, ce 45 tours aidé à la production par George Harrison. Et en face B, il y a l'excellent Early 1970 dans lequel Ringo Starr dit je pense que Sylvain, je jouerai avec lui. Et puis lui, Sylvain, j'espère qu'il jouera avec moi. Et en fait, oui, ils joueront tous avec Ringo Starr parce que Ringo Starr, il est gentil. Just give me some truth. I've had enough of Nous sommes en 1971. John Lennon est devenu un observateur passionné de la vie, de la scène, surtout politique américaine. Il détestait Nixon, qui par son choix d'escalade militaire au Vietnam était devenu l'ennemi public numéro un pour tous les libéraux et les radicaux. L'exigence exaspérée de Lennon pour un peu de vérité, le « Gimme some truth » du titre, préfigure le scandale du Watergate, qui ne fit que confirmer ses pires soupçons au sujet du président des États-Unis. L'ossature de « Gimme some truth » était néanmoins déjà en janvier 69, lorsque cette chanson fut testée par les Beatles durant les séances d'enregistrement de Twickenham, qui fournirent la plus grande partie de l'album Let It Be. Il fut donc fort probable que l'emportement initial de John contre le mensonge et la duplicité ait été inspiré par les disputes internes des Beatles. En tant que tel, ce morceau peut être mis en parallèle avec la complainte désenchantée de Paul « You never give me your money » que l'on retrouve sur Abbey Road. Nul ne sait si Nixon a entendu la tirade rageuse de John, mais les dispositions générales du chanteur étaient bien connues de la Maison Blanche, comme on peut le voir dans de nombreux documents officiels. Au cas où ils ne l'auraient pas su, ils furent de toute façon prévenus des tendances subversives de John Lennon par le patriote américain Elvis Presley, qui les exhorta à réagir contre les prises de position du Beatles. Oui, il n'était pas content que vienne sur ses plates-bandes, le père Elvis. Bien, nous avons parlé d'Elvis, parlons de Londres et parlons de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la directrice du Beatles Magazine, grâce auquel vous pouvez 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même 366, si c'est une année bissextile, tout savoir sur John, Paul, Ringo et George, sur les albums qui sortent, les ressorties pour les 50 ans par exemple, cette année probablement pour le White Album. On espère qu'on aura des nouvelles sur BeatlesMagazineUK.com. Donc il vous suffit de tapoter sur votre clavier BeatlesMagazineUK.com, sur Facebook, sur Google, sur Twitter, et vous saurez tout sur tout sur l'univers des Beatles, et y compris les animateurs radio qui font des émissions. Il y a tout un chapitre qui recense tous ceux qui sont connus par Lovely Rita, qui font des émissions chaque semaine, et on est dedans, donc allez voir. Merci Lovely Rita, merci Beatles Magazine UK.com. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le Zoo Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? I think of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. Can I do? Of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Que dire, 1964, cette très très belle année dans laquelle on a vu l'album For Sale sortir par les Beatles et également l'album Hard Day's Night. Là, c'est extrait de l'album For Sale et c'est Babies in Black sur R.I.G. Je vous propose de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est quelque part en Angleterre, Somewhere in England, sorti en 1981. Un album qui est plutôt correct et qui est bien, de George Harrison, qu'il a dû retravailler parce qu'on lui a demandé. Et notamment cette chanson-là, puisqu'on lui a dit « Retourne, fais-en d'autres » et un peu plus rythmé, de façon à ce que ce soit un petit peu mieux. Et il l'a fait « Ils veulent le sang d'un clone ». C'est une bonne chanson, « Blood from a Clone ». Voici l'album de la semaine. R.I.G. 90.7, la radio des Beatles. Hip-hip. Sleepy head, the kid's sister. Lying on

commentaire de George Harrison sur l'album, sur le livre I'm in Mind qui parle de ses propres chansons. Sur l'album Somewhere in England, il y a une chanson sympa que j'ai écrite qui s'appelle Life Itself. J'aime cette chanson et il y en a quelques autres que j'ai écrites comme Save the World, mais personne ne les a vraiment écoutées parce qu'elles ne sont pas assez commerciales. Voilà le seul commentaire qu'il le fera à propos de cette chanson et c'est dommage, c'est une belle chanson, Life Itself. advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall, don't you miss the big time, boy, you know. Jusqu'en 1976 avec EMI, lorsque en 1976 il fut libre de toute obligation contractuelle, pour la première fois depuis la première signature des Beatles 14 ans plus tôt, il fut le seul membre du groupe, John Lennon, à ne pas reprendre aussitôt le collier. Paul renouvela son contrat, George partit chez AEM et Ringo signa avec Polydor et Atlantic. Dans Watching the Wheels, John expliqua à quel point il était heureux de simplement être assis là, regarder les ombres sur les murs, pendant que le reste du monde déplorait son apparente léthargie. Nous savons maintenant qu'il n'était pas le Howard Hughes que veut faire croire sa légende. Il voyageait beaucoup et avait une vie sociale très active. Il n'abandonna jamais non plus complètement la musique, malgré ce qu'il prétendit plus tard. Il composa en fait de nombreuses chansons et enregistra un assez grand nombre de démos. Mais il utilisa les 5 années de vacances pour contrebalancer la publicité excessive de sa vie précédente et faire le point sur ce qu'il avait vécu pour se remettre d'une existence des plus turbulentes qu'il ait jamais été, c'est vrai. Et Watching the Wheels est un petit peu à rapprocher de la chanson I'm Only Sleeping, puisqu'il prétend qu'il ne fait rien. Et on sait très bien, par exemple, pour I'm Only Sleeping, que du temps des Beatles, ne rien faire, c'était vraiment juste un mot, puisque les Beatles faisaient à peu près 48 à 72 heures de boulot en une journée. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette belle chanson Watching the Wheels. C'est vrai qu'à 40 ans, lorsqu'il a repris le collier, lorsqu'il a sorti ce bel album Double Fantasy, on le sentait apaisé, prêt à revivre. Malheureusement, ça n'a pas été long. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. See them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? never wins. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say. chanson préférée de l'album, je crois, Baltimore Oriole, qui est une reprise, mais quelle belle reprise avec un super saxo dessus. Nous arrivons à la cover, j'allais dire l'album de la semaine. Non, la cover. La cover, vous le savez, c'est une chanson qui a été chantée par John Paul Ringo George, que ce soit avec les Beatles ou hors Beatles, ou même si les Beatles eux-mêmes ont repris une chanson de Chuck Berry ou de trucs comme ça, du moment que ça a été... Truc comme ça, c'est exagéré de dire ça quand même. Donc si jamais l'un des quatre ou les quatre l'ont chanté, c'est une cover si un autre chanteur le reprend, ou même vous, si vous reprenez la chanson, n'hésitez pas à me l'envoyer. Si elle est sympathique, eh bien elle sera diffusée sur l'antenne de RIG. Eh bien là, cette fois-ci, la cover est supérieure à l'original. Vous connaissez cette chanson, c'est « With a little help from my friend » par Joe Cocker sur RIG. Sing out of key, yeah. Oh, baby, how? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Oh, yeah. What do I do when my love is away? No, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, I don't even say it. I need someone to love. I'm certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get back. en vente en un temps record, Wildlife marque la naissance en 1971 du groupe Wings, dont les débuts chaotiques ne laissèrent en rien présager de l'avenir radieux qui l'attendait. Il conjugue deux nécessités qui s'imposèrent à l'esprit encore fragilisé de McCartney, mettre sur pied un groupe pour reprendre des tournées, renouer le contact avec un public dont il s'était coupé physiquement depuis 6 ans et retrouver la spontanéité primitive du rock. D'où la rapidité avec laquelle le projet fut mis sur pied. Répétition hâtive, enregistrement éclair et départ du groupe pour une tournée improvisée dans des universités britanniques. À ses côtés, le batteur Dennis Youwell, déjà présent sur l'album Ram, Denny Lane, guitariste et chanteur des Moody Blues à leur début, sa femme Linda au clavier. Avec seulement 8 titres mis en boîte et mixés en moins de 15 jours, Wildlife fut souvent qualifié d'album bâclé et il connut un succès très mitigé en regard de la notoriété de son auteur. C'est vrai qu'il est sorti quelques mois à peine après l'album Imagine de John Lennon et face à l'album Imagine, cet album-là ne tenait pas la route. Sauf que, avec le temps, eh bien, on se dit que c'est un bon album aussi, comme tout ce que fait McCartney, excusez-moi. Et notamment cette belle chanson Tomorrow, extrait de cet album Wildlife sur RIG. 1967, Your Mother Should Know, Paul McCartney qui aime la rythmique des années 20-30, et puis comme il aime ça, eh bien il en fait profiter tout le monde avec cette belle chanson Ta mère devrait le savoir. Et oui, c'est vrai, ta mère le savait à l'époque. On revient à l'album de la semaine, et une des chansons qui a été créée par George Harrison parce qu'on lui demandait, on lui disait, ça n'est pas assez rythmé, ça n'est pas assez commercial, il faut quelque chose, il faut que tu retravailles. D'ailleurs, tiens, j'y ai pensé hors antenne, une des chansons qui a été refusée sur l'album Summer in England, c'est Lazy Head, par exemple, qui est une superbe chanson. Et pourtant, ça n'a pas fait partie de l'album. Il a été obligé d'en rejeter. Et il a fait cette chanson-là, des règles inconscientes, Unconsciousness Rules, assez rythmé, et c'est très bien. Et c'est sur RIG, c'est 90.7, la radio des Beatles. Dance at the discotheque. That's why he looks at you red. Your face is pale, you look torn. Your paws are dirty and torn. You've got the look in your eyes that says you have the line and you're lost inside. Meanwhile, you're back in your cage. He got out on the stage with the unconsciousness rules. Got yourself in a bind. You don't know how to unwind. Your sense is unsatisfied. Take you along on the ride. You got a way and a stance that says you dance the hands off of everyone. Then you go back on the floor. Nothing can stand in your way. Remontons les années jusqu'en 1969. À cette époque, Paul McCartney écrit cette chanson et la chante « Oh Darling ». Pour la chanter, il la chante pendant une semaine en hurlant autant qu'il peut pour avoir la voix la plus écorchée possible. John Lennon dira « C'est dommage que ce soit lui qui l'ait chanté, ça aurait mieux convenu pour moi, c'était plutôt mon style ». Ouais, peut-être. N'empêche que c'est Paul McCartney qui le fait et il le fait très très bien. Sur l'album Abbey Road, voici « Oh Darling » sur RIG. Darling, please believe me.

things happen all around the world. Meet Free Monday, it's a fun day. Well, it's happened all around the world. Think of too much livestock, warming up the land. Gotta think of answers. How the world will be if we don't do something. We face calamity. Meat Free Monday, it's a fun day, and it's happening all around the world. After Sunday, Meat Free Monday, and it's happening. La radio des Beatles. My baby says you're traveling on a one after 909. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. Out the door and a bigger on my bed is me. You're only fooling around, only fooling around with me. I said move over once, move over twice. Come on baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. Pick up my bags, run to the station. Real man says you got the wrong location. Up back, run right home. Then I find I got the number wrong. Well, said you're traveling on the one after 909. I move over, honey, I'm traveling on that line. Said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. Dans un peu moins de 20 minutes, ce sera Eric et son invité pour Johnny de A à Z. Voici le dernier extrait de l'album de la semaine, Teardrops, c'est la chanson. Et l'album de la semaine, c'est Somewhere in England de George Harrison, paru en 1981. 80 avec Si tu veux m'aimer, appuie sur le bouton Press, Paul McCartney, sur l'album Press to Play en 1986. Et le fameux clip tourné dans le métro. Qu'est-ce que j'aurais aimé être dans le métro à ce moment-là, par hasard, comme ça. All these people listening in, I don't know. propose de terminer l'émission avec deux titres fabuleux qui sont des Beatles sans être des Beatles, tout en étant des Beatles. Vous avez deviné, Free as a Bird et Real Love à la suite sur RIG. RIG de 20h à 22h, c'est la radio des Beatles. Message des Beatles, Real Love, c'est maintenant sur RIG. d'avoir écouté cette 360e édition de la saga des Fab Four. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci à tous et à toutes. Et maintenant, ça va être formidable. Johnny de A à Z avec Frédéric. Fred, dans quelques instants, vous saurez tout sur Johnny de A à Z, comme chaque fois, le mercredi entre 22h, 2, 3 et minuit, voire plus. À bientôt. Salut, ciao.